La radiodiffusion télévision française présente une émission publique du Club d'essai transmise du Théâtre des Noctambules. Lecture à une voix. Émission de Michel Poulac et Guy Maxence. Aujourd'hui, Ne te promène donc pas toute nue, pièce de Georges Feydeau, lue par Jacques Charon, sociétaire de la Comédie française. Voici Jacques Charon. Voici donc, mais ne te promène donc pas toute nue, une comédie en un acte de Georges Feydeau. Voici la liste des personnages. Ventroux, Clarisse Ventroux, sa femme, Victor, leur domestique, Monsieur Hochepaix, Monsieur Romain de Géval. Le décor représente le salon des Ventroux. Au fond, au milieu de la scène, une porte qui donne sur le vestibule. Également face au public, une autre porte qui mène à la chambre de Clarisse, Madame Ventroux. À gauche de la scène, une troisième porte conduisant dans le cabinet de travail de Ventroux. À droite, la cheminée avec sa garniture et sa glace, une grande fenêtre. Au centre, une table, un grand canapé, des fauteuils, un guéridon sur lequel est posé un plateau, une tasse à café et un sucrier. Au lever du rideau, Victor, le domestique, sur un escabeau, arrange le cordon de tirage du store de la fenêtre. À la cantonade, dans la chambre de Clarisse, on entend des bribes de conversation où domine la voix de Ventroux et de son fils. La voix de Clarisse Ventroux étant plus lointaine. La voix de Ventroux. Comment, qu'est-ce que tu dis, Clarisse? Oh, ben je ne sais pas, aussitôt la fin de la session, nous partirons pour Cabourg. La voix du fils de Ventroux. Oh, c'est ça, papa, oh oui, pour Cabourg. Voix de Ventroux. Eh ben quoi, attends que la chambre soit en vacances. Voix de Clarisse. Attendez, mes enfants, que je prenne ma chemise de nuit. Oh, Clarisse, voyons, mais tu perds la tête. Mais pourquoi? Je t'en prie, voyons, regarde-toi. Mais regarde, il y a ton fils. Eh bah oui, quoi, le temps de prendre ma chemise de nuit. Mais non, mais je t'en prie, voyons, tu es folle, on te voit, mais va-t'en. Oh, et puis tu m'ennuies, hein, si tu dois faire des scènes. Oh non, tiens, j'ai mieux m'en aller, plutôt que de voir des choses pareilles. Et puis toi, Auguste, qu'est-ce que tu as besoin de traîner dans la chambre de ta mère, hein? Victor, le domestique qui depuis un moment s'est arrêté de son travail pour prêter l'oreille. Il se bouffe. La voix de Ventroux. Allez, fiche-moi le camp. Puis papa. Ventroux paraît en scène. Non, ce manque de pudeur. Il aperçoit Victor. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Victor. Ben, j'arrange les cordons de tirage. Vous pouvez pas vous en aller, non, quand vous entendez que je cause, là, avec madame? Je voulais finir, monsieur. Ouais, pour mieux écouter. Aux portes? Aux portes, je suis à la fenêtre. Bon, ben, c'est bon, allez-vous-en. Oui, monsieur. Victor descend de son escabeau. Ben, emportez votre escabeau. Oui, monsieur. Il sort en emportant l'escabeau. Ventroux tout seul. Faut toujours qu'on l'ait dans les jambes, celui-là. Clarisse, Madame Ventroux, surgissant en coup de vent de sa chambre. Elle est en chemise de nuit, mais elle a son chapeau et ses bottines. Elle descend vers son mari. Ah, savais-tu me dire ce qui t'a pris? Après qui tu en as? Ventroux, apparemment, après qu'il demande. Il se retourne et voit sa femme et l'apercevant dans sa tenue. Ah non, tu n'as pas aussi de promener dans l'appartement en chemise de nuit avec ton chapeau sur la tête. Oh oui, bah d'abord je te prie de m'expliquer, j'enlèverai mon chapeau tout à l'heure. Et ton chapeau, je me fiche pas mal de ton chapeau. C'est pas après lui que j'en ai. Clarisse, enfin, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, rien, tu n'as jamais rien fait. Ah, oh, ben ça, je ne vois pas. Eh ben, tant pis. C'est encore plus grave, si tu n'as même plus conscience de la portée de tes actes. Clarisse, quand tu voudras m'expliquer? Ventroux, alors tu trouves que c'est une tenue pour une mère d'aller changer de chemise devant son fils? C'est pour ça que tu me fais cette sortie? Ben, évidemment, c'est pour ça. Ah, eh ben, vrai. J'ai cru que j'avais commis un crime, moi. Non, mais alors, tu trouves ça naturel? Quelle importance ça a-t-il? Auguste est un enfant. Si tu crois seulement qu'il regarde le pauvre petit, une mère, ça ne compte pas. Bon, ben, il n'y a pas à savoir si ça compte, ça ne se fait pas. Clarisse, un gamin de 12 ans. Ah non, pardon, 13. Mais non, 12. Ventroux, mais 13, je te dis, il les a depuis 3 jours. Clarisse, eh ben oui, quoi, 3 jours, ça ne compte pas. Ventroux, oh oui, oh, rien ne compte avec toi. Clarisse, si tu crois seulement qu'il sait ce que c'est qu'une femme, Ventroux, en tout cas, ce n'est pas à toi de lui apprendre. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours toute nue? Clarisse, mais où ça, toute nue? J'avais ma chemise de jour. Ventroux, mais c'est encore plus indécent. On te voit au travers comme dans du papier calque. Clarisse, ah, voilà. Voilà, mais dis-le donc, voilà où tu veux en venir. Tu voudrais que j'ai des chemises en calico. Ventroux, mais quoi, des chemises en calico? Qu'est-ce qui te parle d'avoir des chemises en calico? Clarisse, je suis désolé, mon cher. Mais toutes les femmes de ma condition ont des chemises en linon. Je ne vois pas pourquoi j'aurais les miennes en madapolam. Ventroux, ah bon, les voilà en madapolam à présent. Ah, bah merci, qu'est-ce que diraient les gens? Ventroux des gens? Quels gens? Tu vas donc montrer tes chemises aux gens? Clarisse, moi. Moi, je vais montrer mes chemises aux gens. Tu m'accuses de montrer mes chemises aux gens. Ah, voilà où tu en arrives. Ventroux, mais non, ne fais donc pas toujours dévier la conversation pour prendre l'offensive. Je ne t'accuse de rien du tout. Je ne te demande pas d'avoir des chemises en calicot ni en balapolam. Je te demande simplement, quand ton fils est dans ta chambre, d'avoir la pudeur de ne pas te déshabiller devant lui. Clarisse, ah bah t'as de l'aplomb. C'est juste ce que j'ai fait. Ventroux, ah bah non, alors toi tu parles d'aplomb, Clarisse, mais absolument. Et c'est encore une preuve de ton éternelle injustice. Essayons donc de faire plaisir aux gens. Comme je sais tes idées étroites et que vous étiez tous les deux dans ma chambre, j'ai été exprès me déshabiller dans mon cabinet de toilette. Ventroux, oui. Seulement une fois que tu as été en chemise de jour, tu es arrivé dans ta chambre. Eh bien, au choix, j'aurais préféré le contraire. Clarisse. Mais c'était pour prendre ma chemise de nuit. Ventroux, oui. Oh, t'as toujours de bonnes raisons. Ah. Puis d'abord, quel besoin as-tu de te mettre en chemise de nuit à 4 heures de l'après-midi? Clarisse. Oh, bah tiens, toi, t'es bon. Oh. On voit que c'est pas toi qui allais crever de chaleur au mariage de la petite du chaumier. Étonnée encore ça, hein? Pour qui ai-je été, hein? C'est pour toi, c'est pas pour moi, bien sûr. Pour t'épargner une corvée, comme toujours. Car enfin, ce n'est pas moi qui suis le collègue du père à la chambre, hein? Je ne suis pas député, moi, c'est toi. Ah, oh, t'as une façon de me remercier. Ventroux, mais il ne s'agit pas de te remercier, Clarisse. Oh, je sais, tout est dû. Un remerciement de ta part, je suis encore à l'attendre. N'empêche que quand je suis entré, là, quand je suis rentré en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. Je crois que ça m'est permis, oui? Ventroux, bien oui, oui, ça, j'admets. Clarisse, c'est encore heureux. Pas mieux, tu es au frais ici. Tu ne te doutes pas que dehors, nous avons au moins 35 ou 36 degrés de latitude. Ventroux, de latitude. Clarisse, 36 degrés parfaitement. Ventroux, quoi de latitude? Ça veut dire ça, latitude. Clarisse, tu sais pas ce que c'est que latitude. Tu ne sais pas ce que c'est que latitude. Oh non, c'est triste à ton âge. Latitude, c'est le thermomètre. Ventroux. Ah, je te demande pardon. J'ignorais. Clarisse, ben, c'est pas la peine d'avoir été au collège. Quand on pense que par 36 degrés de latitude, tu nous imposes d'être encore à Paris. Tout ça parce que tu es député et que tu ne peux pas quitter la chambre avant la fin de la session. Oh, je te demande un peu. Comme si la chambre ne pouvait pas se passer de toi. Ventroux, je ne sais pas si la chambre peut ou non se passer de moi. Ce que je sais, c'est que quand on a assumé une fonction, on l'a remplie. Ah, ben ce serait du joli si, sous prétexte qu'individuellement, la chambre n'a pas positivement besoin de chacun de nous, chaque député se mettait à fiche le camp. Il n'y aurait plus qu'à fermer la chambre. Clarisse, hé, ben la belle affaire. Ah, ça n'en irait pas plus mal, c'est toujours quand la chambre est en vacances que le pays est plus tranquille, alors. Ventroux, mais ma chère amie, nous ne sommes pas à la chambre pour que le pays soit tranquille. C'est pas pour ça que nous sommes élus. Et puis, enfin, nous sortons de la question. Je te demande pourquoi tu te promènes en chemise, tu me réponds en faisant le procès du parlementarisme. Ça n'a aucun rapport. Clarisse, ah ben je te demande pardon. Ça en a. Parce qu'à cause de ton parlement, nous sommes encore à Paris par 36 degrés de latitude. Ventroux, tu y tiens, hein? Clarisse, parfaitement. Parce que par 36 degrés de latitude, je suis en transpiration. Parce que, étant en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise. Et parce que j'ai changé de chemise, tu as éprouvé, toi, le besoin de m'attraper. Ventroux, mais je ne t'ai pas attrapé parce que tu as changé de chemise. Je t'ai attrapé parce que tu te promenais devant ton fils en chemise transparente. Clarisse, est-ce que c'est de ma faute si on voit à travers? Ventroux, non, mais c'est de ta faute si tu entres avec dans ta chambre. Clarisse, ah non, ça c'est le comble alors. Je n'ai plus le droit d'entrer dans ma chambre maintenant. Ventroux, mais je ne t'ai jamais parlé de ça, ne me fais donc pas dire ce que je ne dis pas. Clarisse, mais où veux-tu que j'aille me déshabiller? À la cuisine, à l'office, devant les domestiques? Ah, c'est pour le coup que tu crierais comme un putois. Ventroux, cette mauvaise foi dans la discussion. Clarisse, il n'y a pas de mauvaise foi, je suis chez moi dans ma chambre. C'est vous qui n'aviez pas besoin d'y être. Je ne vous ai pas demandé d'y venir, n'est-ce pas? Eh bien, si maintenant vous gênez, vous n'aviez qu'à vous en aller. Ventroux, oh, voilà, voilà sa logique. Clarisse, c'est vrai ça? Me faire une scène parce que je suis entré en chemise de jour. Mais comment voulais-tu que je fasse puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre? Ventroux, eh bien j'étais là. Tu n'avais qu'à me la demander, je te l'aurais apporté. Clarisse, ben alors c'était la même chose, tu m'aurais vu toute nue. Ventroux, mais moi, je suis ton mari. Clarisse, eh ben lui, c'est mon fils. Ventroux, ah non, c'est à décourager. Alors, tu trouves que c'est pareil? Clarisse, mais c'est plus près. Bon, ben, en somme, toi, quoi, hein? T'es un étranger pour moi. T'es mon mari, mais c'est une convention. Quand je t'ai épousé, ça, je ne sais pas pourquoi. Merci. Je ne te connaissais pas, et puis craque, du jour au lendemain, parce qu'il y avait un gros monsieur, là, en ceinture tricolore, devant qui on avait dit, oui, c'était admis, tu me voyais toute nue. Eh ben, ça, c'est indécent. Ah, tu trouves? Tandis que mon fils, quoi, hein, c'est ma chair. C'est mon sang. Eh bien, que la chair de ma chair voit ma chair, y a rien à convenant. Oui, oh, à part les préjugés. Ventroux, mais c'est tout, les préjugés, c'est tout. Clarisse, pour les esprits mesquins, oui, mais Dieu merci. Je suis au-dessus de ça. Ventroux, voilà, voilà. Elle est au-dessus de ça, elle arrange tout comme ça. Clarisse, non, mais enfin, est-ce que depuis la plus tendre enfance du petit, il n'a pas 25 000 fois assisté à ma toilette? Et tu n'as jamais rien dit. Entre il y a tout de même un jour, il faut que ces choses-là cessent. Clarisse, oui, oh, bon, oh, je ne dis pas. Entre bon, ben alors. Clarisse, bon. Quand? Quoi, quand? Quel jour, quelle heure? Quoi, quel jour, quelle heure? Cesse-t-on? Il doit y avoir un jour, une heure spéciale. Pourquoi particulièrement aujourd'hui, hein? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Alors je te demande, quel jour, quelle heure? Ventrou, quel jour, quelle heure? Elle vous a de ces questions. Mais ce que je sais, moi, comment veux-tu que je précise? Clarisse, tu ne peux pas préciser. Ah, tu ne peux pas préciser, c'est merveilleux. Et alors tu veux que moi, une femme qui par définition doit être moins intelligente que toi, du moins c'est toi qui le dis, tu veux que moi je sois à même de le faire quand toi tu t'en déclares incapable? Ventrou, mon Dieu, ce que c'est bête ce que tu dis là. Clarisse, mais non, tu m'attaques, alors je me défends. Ventrou, enfin, qu'est-ce que tu veux me prouver, hein? Qu'une mère a raison de se montrer en chemise à son fils. Clarisse, mais ce n'est pas là-dessus que j'en suis. Ça t'est désagréable, eh bien c'est bon, tu n'as qu'à me le dire sans t'emporter, je ferai attention. Ventrou, oui, oh, tu feras attention. Tu sais très bien que non, tu ne peux pas ne pas traîner en chemise, c'est plus fort que toi. Clarisse, oh, là t'es exagéré. Ventrou, tous les jours, je t'en fais l'observation. Clarisse, mais je t'assure que non. Si tu me vois quelquefois comme ça le matin, c'est que ma toilette n'est pas faite. Mais une fois que je suis habillée, je te certifie. Ventrou, oui, oh, que tu n'es plus en chemise, ça, évidemment. Seulement, tu ne l'es jamais habillée. Clarisse. Enfin quoi? Enfin qu'est-ce que tu veux? Que je ne fasse pas ma toilette? Ventrou, mais si, fais-la ta toilette. Mais reste chez toi pour la faire et ferme ta porte. Elle est toujours ouverte dans ces moments-là, comme c'est convenable pour les domestiques. Clarisse, oh bah quoi, ils n'entrent pas. Ventrou, ils n'ont pas besoin d'entrer pour te voir, ils n'ont qu'à regarder. Clarisse, oh, si tu crois qu'un domestique, ça regarde. Ventrou, ah oh, oui, on n'est pas, non? C'est pas des hommes comme les autres. Non mais c'est drôle, ça. Tu laisses ta porte ouverte quand tu fais ta toilette et tu t'enfermes pour mettre ta voilette. Clarisse, ah oui. Ah oui, c'est parce que alors ça, j'aime pas être dérangé quand je mets ma voilette. J'aime pas qu'on me tourne autour de moi, ça, j'en viens pas à bout. Ventrou, oui, bah c'est vraiment dommage qu'il n'en soit pas de même pour tes ablutions. Mais pas seulement ça, tu fais mieux encore. Tu allumes dans ton cabinet de toilette et tu ne fermes même pas tes rideaux. Clarisse, oh, quand? Ventrou, mais hier? Ah bah oui, mais ça c'est vrai, hier. Ventrou, parce que tu ne vois plus au dehors, tu es comme l'autruche. Tu t'imagines qu'on ne te voit pas du dehors. Oh, mais qui veux-tu qui regarde? Ventrou, qui? Mais Clémenceau, ma chère amie. Clémenceau qui meurt en face et qui est tout le temps à sa fenêtre. Clarisse, oh, il en a vu bien d'autres, Clémenceau. Ventrou, c'est possible, mais qu'il en ait vu d'autres, mais enfin, j'aime autant qu'il ne voit pas celle-là. Ah, bah, je serais propre, moi. Clarisse, oh, puis t'as rien à craindre, il est de ton parti. Ventrou, mais justement, c'est toujours dans son parti qu'on trouve ses ennemis. Clémenceau serait de la droite, parbleu, je m'en ficherais, lui aussi, mais du même bord, on est rivaux. Clémenceau se dit qu'il peut redevenir ministre, que je peux le devenir aussi, moi. Clarisse, toi, Ventrou, bah quoi, tu le sais bien. Tu sais bien que dans une des dernières combinaisons, à la suite de mon fameux discours sur la question agricole, on est venu tout de suite m'offrir le portefeuille de la marine. Clarisse, oui, Ventrou, ministre de la marine, hein? De la marine tout de même, hein? Tu me vois? Clarisse, pas du tout. Ventrou, naturellement. Clarisse, oh, ministre de la marine, tu sais même pas nager. Ventrou, que ça prouve ça? Est-ce qu'on a besoin de savoir nager pour administrer des affaires de l'État? Oh, oh, pauvres affaires! Ventrou, oui, c'est entendu. Oh, d'ailleurs, je me demande pourquoi je discute. On n'est jamais prophète dans son pays. Heureusement que ceux qui ne me connaissent pas me jugent d'autre façon que toi. Eh bien, je t'en supplie. Je t'en supplie, Clarisse, n'entrave pas ma carrière en compromettant une si belle situation par des imprudences dont l'effet peut être irréparable. Clarisse, oh, irréparable. Ventrou, ben, songe que tu es la femme d'un ministre de demain. Eh bien, quand tu seras ministresse, hein? Est-ce que tu te baladeras dans les couloirs du ministère en chemise? Clarisse, mais non, bien entendu. Ventrou, quand je dis ministre, ah, on ne sait pas. C'est le beau du régime. Tout le monde peut aspirer quelques jours à devenir président de la République. Eh bien, que je le devienne, hein? Eh bien, mettons comme ça, on reçoit des rois, des reines. Est-ce que tu les recevras en chemise? Oh, ben non. Est-ce que tu te montreras à eux comme ça? Mais non, voyons. Je mettrai ma robe de chambre. Sa robe de chambre. Elle mettra sa robe de chambre. Oh, enfin, je mettrai ce que tu voudras. Ventrou, non, c'est effrayant, ma pauvre enfant. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que la correction. Clarisse, moi, Ventrou. Oh, mais je ne t'en veux pas. Ce n'est pas du vice chez toi, non. Au contraire, c'est de l'ingénuité. N'empêche que par deux chemins opposés, on arrive quelquefois au même résultat. Clarisse, oh, cite-moi un cas. Cite-moi un cas où j'étais incorrect. Ventrou, pas bien loin à chercher. Pas plus tard qu'hier, tiens, quand Deschanel est venu me voir. Clarisse, eh bien, Ventrou, il n'y avait pas 5 minutes que je te l'avais présenté. Tu ne trouveras rien de mieux à lui dire que « Oh, que c'est curieux l'étoffe de votre pantalon. Qu'est-ce que c'est que ce tissu-là » Et tu te mets à lui plotter les cuisses. Clarisse. Oh, les cuisses. Je m'occupais que de l'étoffe. Ventre, oui, mais les cuisses étaient dessous. Tu trouves que c'est une tenue? Clarisse, eh bien, comment voulez-vous que je fasse? Je pouvais pas lui demander d'ôter son pantalon à ce monsieur que je voyais pour la première fois. Ventre, voilà. Mais tu pouvais te passer de tâter l'étoffe. Il me semble que Deschanel a un passé politique suffisant pour te permettre de trouver autre chose à lui dire que de lui parler de son pantalon. Surtout avec gestes à l'appui. Clarisse, oh, tu vois du mal dans tout, toi. Ventrou, oh, oui, oh, ça, je vois du mal dans tout. Clarisse, oh, non, mais je te conseille de parler, de critiquer, toi qui es si sévère pour les autres. Ah, tu parles de ma tenue. Ah, ben, la tienne, l'autre jour. Hein? Au déjeuner sur l'herbe, avec Mademoiselle Dieu Mamour. Quoi, Mademoiselle Dieu Mamour? Quand tu lui as sucé la nuque, tu trouves ça convenable? Ventrou, quoi? Oh, non, quand les femmes se mêlent d'écrire l'histoire. Clarisse, quoi? Tu ne lui as pas sucé la nuque? Ventrou, mais si, évidemment, je lui ai sucé la nuque. Mais je m'en vante, c'est tout à mon honneur. Ah, tu trouves? Tu ne penses pas que ce soit par un désir inspiré par ses 40 printemps et les trous de petites véroles qu'elle a sur le nez que... Hein? Oh. Clarisse, oh, est-ce qu'on sait jamais avec les hommes? C'est si vicieux. Ventrou, oui, oh, ben, je t'assure. Seulement, elle avait été piquée par une mauvaise mouche. Ben, la piqûre avait un sale aspect, c'était déjà tout enflé. Je ne pouvais pas la laisser crever du charbon par respect des convenances. Clarisse, oh, du charbon. Oh. Qu'est-ce que tu en sais si la mouche était charbonneuse? Ventrou, je n'en sais rien. Mais dans le doute, je n'avais pas hésité. Une piqûre de mouche peut être mortelle si on ne cautérise pas ou si on ne suce pas immédiatement la plaie. Il n'y avait rien pour cautériser, je me suis dévoué. J'ai fait ce que commandait la charité chrétienne. J'ai sucé. Clarisse, oh oui, oh, ça c'est commode. Avec ce système-là, il n'y a plus qu'à sucer la nuque à toutes les femmes qui vous plaisent sous prétexte qu'elles ont été peut-être piquées par une mouche charbonneuse. Ventrou, là, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Alors tu crois que c'est pour mon agrément que j'ai fait ça, Clarisse? Mais non. Ventrou, oh, j'en ai gardé pendant 2 heures un goût de vieille chandelle et de cosmétiques rances dans la bouche. Je trouve que c'est pas méritoire. Clarisse, mais si, tout ce que les autres font, c'est mal. Mais toi, c'est toujours admirable. Ventrou, je ne dis pas ça. Clarisse, oh, tout de même. Ah, si j'avais été sucé la nuque à M. Deschanel, ah ben merci. Qu'est-ce que j'aurais pris pour mon rhume? Ventrou, bah tiens, toi, naturellement. Ah, voilà, qu'est-ce que je disais. Ah, tu appelles ça de la justice? Ventrou, oh, tiens, tu as un mode de discussion qui vous désarme. Quoi, c'est pas vrai? Oui, tu as raison, tu as toujours raison. C'est la dernière fois que je suce la nuque à Mademoiselle Dieu Mamour. Clarisse, oh, ben je ne te demande pas ça. S'il a repiqué cette malheureuse, en devoir d'homme, Ventrou, là, eh ben tu vois bien que tu es de mon avis. Clarisse, mais c'est vrai aussi, tu m'irrites, tu me dis des choses blessantes, alors c'est plus fort que moi, je me bute. Ventrou, moi je te dis des choses blessantes? Mais oui, que je me promène toute nue et que j'ai sucé la nuque à Monsieur Deschanel. Mais je ne t'ai jamais dit ça. Non, enfin, j'ai passé les cuisses à Monsieur Deschanel. Ventrou, enfin, sapristi, quand tu fais des choses que je désapprouve, j'ai bien le droit de te faire des observations. Clarisse, moi je dis pas le contraire, mais enfin tu peux me les faire gentiment. Tu sais bien que quand tu me parles avec douceur, tu fais de moi tout ce que tu veux. Ventrou, bon, eh bien, soit, alors gentiment, je te supplie de ne plus te promener toujours en chemise comme tu le fais. Clarisse, eh bien oui, dis-moi ça comme ça. Ventrou, à la bonne heure. Voilà comme j'aime à t'entendre parler, Clarisse. Ah, tu vois comme je suis raisonnable quand tu veux. À ce moment, Victor, le domestique, arrive du fond, entre carrément dans le salon. Il voit Clarisse en chemise sur les genoux de Ventrou se détournant. Oh! Clarisse, oh! Elle ne fait qu'un bond vers la fenêtre. Ventrou, quoi? Qui est là? Victor, c'est moi, monsieur. Clarisse, dans la fenêtre, ramenant contre elle le bas du rideau sans défaire l'embrasse. Ne regardez pas! Ne regardez pas! Victor, oh, moi, vous savez, madame. Ventrou, oh, mais ne regardez pas, ne regardez pas! Oh, ah oui, il est bien temps maintenant. Clarisse, mais quoi? Mais je suis derrière le rideau. Ventrou, eh bien, que ça fait ça? Il t'a vu en chemise maintenant, ce garçon. Victor, oh, je ne suis pas nouveau dans la maison, monsieur. Ventrou, bah ça y est, voilà, c'est clair. C'est pas la première fois qu'il te voit en chemise, c'est charmant. Clarisse, oh, je t'assure, mon ami, Ventrou, oh, laisse-moi tranquille. Quand tu sais qu'une chose m'est désagréable, Victor, oh, que monsieur ne se fasse pas de mauvais sang. Je m'apaise, alors. Ventrou, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, ça me dit donc, vous avez votre pays, est-ce que vous supposez que madame, Victor, oh, monsieur. Ventrou, enfin quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez, hein? Victor, c'est pour vous dire, monsieur, qu'il est venu ce matin, monsieur, qui a laissé sa carte. Ventrou, qui ça? C'est vrai, cette façon de fourrer son lit partout. Voyons, il lit la carte. Non! Oh, c'est pas possible. Oh, oh, ben celle-là. Oh, oh, il est venu, lui? Victor, lui, parfaitement, monsieur, oui. Il a dit qu'il repasserait à 4h30. Ventrou. Oh, oh, oh, ben celle-là. Eh ben, fichez-moi le camp, Victor. Oui, monsieur. Victor sort. Clarisse, sortant de derrière son rideau. Ouh, bah ouf. Manteau, oui, ça, je t'engage à dire ouf. C'est pas fâché de ce qui était arrivé. Clarisse. Oui? Oh, bah tant mieux. Oh, je craignais que ça t'ait mécontenté. Manteau, hein? Mais oui, ça m'a mécontenté. Sûrement que ça m'a mécontenté. Clarisse. Bah alors, pourquoi tu dis que tu n'es pas fâché? Ventoux, je ne suis pas fâché de ce qui t'arrive, parce que peut-être ce sera une leçon pour l'avenir. Clarisse, ah bon, ben, j'avais pas compris ça, moi. J'avais cru un mot gentil de ta part. Ventoux, ah c'est ça, oui, un mot d'encouragement. Clarisse, oh ben, qu'est-ce que tu veux, c'est un petit malheur, quoi. Hey, dis donc, qui c'est le monsieur, là, dont on t'a remis la carte? Ventoux, quoi, quel monsieur? Dont on t'a remis la carte? Ah oui, ben, qu'est-ce que ça te fait? Clarisse, oh pardon, je te demande pardon. Ventroux. Oh, ben, tiens, puisque tu veux le savoir, c'est un monsieur devant lequel il est très heureux que tu ne te sois pas montré en chemise, en compagnie de ton domestique. Parce qu'alors, mon compte aurait été bon auprès de mes électeurs. Ah oui, pourquoi? Parce que si je prêtais le flanc à mes commérages, à celui-là, c'est l'homme qui a mené la campagne la plus acharnée contre moi au moment de mon élection. Clarisse, non. C'est pas monsieur Hochepaix. Ventroux. Le maire de Moussillon-les-Indrelles, lui-même. Clarisse, comment? Cet homme qui a tout fait pour faire passer ton concurrent, le marquis de Berneville, Ventroux, le socialiste unifié parfaitement. Clarisse, ah ah! Ah, ben il a du culot, celui-là. Ah, cet homme qui a dit de toi ping-pong. Comment dis-tu ça? Ben ping-pong. Ping-pong. Pique-pendre. Pas ping-pong. On dit pas ping-pong? On ne dit pas ping-pong. Toujours entendu dire ping-pong? Tu as toujours mal entendu. Ah, ben c'est bon. C'est donc ça que je comprenais pas l'expression. C'est donc ça, évidemment. Oh, puis d'ailleurs, ça m'est égal, hein. Ping-pong ou pipendre. J'espère que tu vas le mettre à la porte, ce monsieur, avec tous les honneurs qui lui sont dus. Ventre ou mais au contraire, je serai le plus aimable possible. Et même si tu le vois, je te prie également d'affecter la plus grande amabilité. Ah. Oh. Hochepaix chez moi. Oh, mais c'est ma revanche. Ensuite, ça doit être le dernier des chameaux. Oh oui, alors ça, alors des chameaux. Il faut penser que c'est un gros industriel, que dans sa fabrique de tissus, il emploie de 5 à 600 ouvriers, autant de voix dont il dispose. Il est bon de se le ménager, il faut être pratique dans la vie. En attendant, il est près de 4h30, il ne va pas tarder, allez, va t'habiller, hein. Clarisse, oui, c'est ça. Ah, dis donc. Elle va presser le bouton électrique. Qu'est-ce que tu fais là, hein, je sonne Victor? Ventroux, tu trouves qu'il ne t'a pas assez vu? Oh, méchant. Non, c'est pour qu'il emporte ton plateau. Je lui ai déjà dit 20 fois d'enlever les tasses quand on a fini de prendre le café. C'est laid de voir des tasses là qui traînent. Puis ça tire les mouches et les guêpes. Tiens, regarde-moi ça, là. Elle ramène dans sa main le bas du devant de sa chemise de façon à en faire une sorte de chasse-mouche qu'elle agite au-dessus du guéridon. Allez les mouches, allez les guêpes, allez madame. Oh, je peux pas voir le désordre. Moi, j'aime la tenue dans ma maison. C'est vrai, j'aime la tenue, moi. Ventroux, elle aime la tenue. Clarisse, et maintenant, comme je ne veux pas que Victor me voie en chemise, Ventroux, non, vraiment. Clarisse, oh, ne sois pas taquin. Non, quand il viendra, tu lui diras d'enlever tout ça, hein? Ventroux, mais oui, et bien, c'est pas la peine de te fatiguer, ta sonnette ne marche pas, il sera arrivé quelque chose dans la pile. Clarisse, oui, eh bien, sans doute qu'elle est à sec, hein, à la soif, hein, il n'y a qu'à remettre de l'eau. Peut-être, j'en sais rien. Je vais lui donner à boire, ben, c'est ça, va. Oui, elle sort par le fond à droite. Ah, Ventroux, et passe ta robe de chambre. Ventroux reste seul. Lève les yeux au ciel. À ce moment, on entend un timbre résonner extérieurement. Ah, l'autre maintenant. Il se campe dans une attitude de dignité. Victor annonce. Monsieur Hochepaix. Hochepaix entre. Ventroux, entrez. Hochepaix, parte. Ventroux. Ah, Victor, laissez-nous. Asseyez-vous, je vous en prie. Hochepaix. Mon cher député. Ventroux. Oh, cher. Hochepaix, mais pourquoi donc pas? Ventroux, après la campagne que vous avez menée contre moi. Oh, la campagne. Ventroux, vous m'avez traité partout de vendu, de pourri, de mouchard, de résidu de la décadence. Hochepaix, oh, ça n'enlève rien à l'estime, croyez-le bien. Ventroux, ah, très touché. Hochepaix, qu'est-ce que vous voulez? Je l'avoue, vous n'étiez pas mon candidat. Ventroux, je m'en suis aperçu. Hochepaix, ben oui, mon homme à moi, n'est-ce pas, c'était le marquis de Berneville. Ventroux, c'est votre droit. Hochepaix, vous comprenez, c'est un vieil ami à moi, il est socialiste unifié, comme moi. Ajoutez à cela que c'est lui qui a tenu ma fille sur les fonts baptismaux. Ventroux, oh, vous m'en direz tant. Je peux enfin un tas de raisons. Sans compter celle-ci, qu'il est plusieurs fois millionnaire et que l'intérêt de mes administrés, vous devez comprendre, n'est-ce pas? Ventroux, mais je vous en prie, ne vous défendez pas, Hochepet. D'autant qu'en somme, c'est vous qui avez été élu. Ventroux, c'est ce qui pour moi est le plus important, Hochepet, évidemment. Hochepet, d'ailleurs tout ça, c'est du passé. Il n'y a plus ici un candidat et un électeur, mais le maire de Moussillon-les-Indrets, qui vient trouver amicalement son député pour lui soumettre un désidératum de ses administrés et le prier de s'y intéresser auprès du ministre compétent. Je n'ai pas douté un instant de votre bon accueil. Ventroux, vous avez eu raison. La meilleure preuve, c'est que je disais tout à l'heure à Madame Ventroux... Hochepet, oh pardon, je ne vous ai pas demandé de ses nouvelles. Est-ce que je n'aurais pas le plaisir de lui être présenté? Ventroux, oh, vous tombez mal. Ma femme est en train de s'habiller, vous savez. Quand les femmes sont à leur toilette, ça dure longtemps. Hochepet, oh, c'est dommage. On entend la voix de Clarisse à la cantonade. Ah, vous trouvez que vous avez enlevé les tasses? Vous trouvez que vous avez enlevé les tasses? Ventroux, ben non, tenez, je la calomniais. J'entends sa voix. Déjà prête, c'est un miracle. Hochepet, oh, bien, je serai enchanté. Clarisse, toujours dans la même tenue que précédemment, surgit du vestibule suivie de Victor. Elle va droit au petit guéridon. Oui, eh bien, venez voir comme vous avez enlevé les tasses. Ventroux, ma chère amie, je... Oh, il aperçoit sa femme. Clarisse, oh, tu m'as fait peur, toi. Ventroux, non, un petit bonhomme, mais veux-tu fiche le camp? Veux-tu fiche le camp? Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu n'es pas folle, tu viens ici en chemise quand j'ai du monde. Clarisse, apercevant Hochepet, oh, pardon, monsieur, je n'avais pas entendu sonner. Hochepet, mais madame, je ne me plains pas. Ventroux, non, mais tu n'as pas honte de te montrer comme ça avec un domestique à tes trousses? Clarisse, mais non, c'est parce que Victor n'avait pas enlevé les tasses. Tenez, Victor, mon garçon, regardez comme vous avez enlevé les tasses, hein? Ventroux, mais je me fous des tasses. Vous dites, vous me foutez le camp, vous? Oui, monsieur. Clarisse descendant vers Hochepet. Oui, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, monsieur, mais quand je vois des tasses... Ventroux, oui, bon, c'est bon, allez, hop, va-t'en. Clarisse, oh, mais je t'en prie. Ne me parle pas comme ça, je ne suis pas un chien. Ventroux, oh, non, mais c'est vrai, ça. Monsieur Hochepet, sans doute. Oui, madame, oui. Oh, enchanté, monsieur. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Se disant, elle s'assied face à Hochepet. Ventroux, non, tu n'as pas la prétention de recevoir dans cette tenue, Clarisse. Oh, en effet, c'est un peu incorrect. Ventroux, incorrect. Clarisse, mais vraiment, oh, il fait si chaud. À Hochepet, tenez, tentez mes mains. Si... Hein? J'ai la fièvre. Oh, si, j'ai la fièvre. Ventroux, ben c'est ça, tu vas recommencer comme avec des Chanel. Clarisse, bah quoi, c'est mes mains, c'est pas ses cuisses. Hochepet, comment? Clarisse, pour lui montrer combien les miennes sont brûlantes. Hochepet, vos... Mais non, mes mains, voyons. Oh, fait Hochepet. Ventroux, oui, bien, il s'en fiche, monsieur Hochepet, il s'en fiche de tes mains. Hochepet, oh, mais pas du tout. Clarisse, ah, là, tu vois? Ventroux, oui, bien, voilà, si, je te prie de t'en aller. Clarisse, c'est bien. Alors, c'est pas la peine de me demander d'être aimable. Ventroux, qu'est-ce qui te demande d'être aimable? Clarisse, comment qui? Mais toi? Oh, ben, c'est toi! C'est toi qui m'as bien recommandé, et si tu vois monsieur Hochepet... Ventroux, bon, ça va bien, tais-toi, ça va bien. Clarisse, il n'y a pas de bon ça va bien, tais-toi. Je te prie, au contraire, d'affecter la plus grande amabilité. Ventroux, moi? Oh, mais jamais de la vie! Oh, mais jamais de la vie, jamais! Clarisse, oh, c'est trop fort. Tu as même ajouté, ça beau être le dernier des chameaux... Oh! N'empêche que c'est un gros industriel qui s'occupe de 5 à 600 ouvriers, les bons seuls ménagers. Ventroux, mais non, mais jamais d'avis. Mais j'ai jamais parlé de ça, monsieur Hochepet, mais non, jamais. Vous ne croyez pas, j'espère. Hochepet, ah, quand vous auriez dit, mais non. Clarisse, monsieur Hochepet, j'espère que vous me faites l'honneur de me croire. Ventroux, oh, puis toi, Clarisse, tu m'embêtes, hein. Allez, fous-moi le camp. Oh, mais dis donc, hein. Je te prie de me parler autrement. Allez, débarrasse le plancher. Oh. Oui, mais quant à dire que tu n'as pas dit... Allez, hop, oh, file, il n'y a pas de hop, file. Si tu ne sais plus ce que tu dis, mais vas-tu filer à la fin? Oh, ah. Ventroux referme violemment la porte et redescend. Oh. Clarisse redescend brusquement. Je ne vous ai pas dit au revoir, monsieur Hochepet. Très heureuse. Madame... Mais non, de là, veux-tu? Ah, oui, je dis au revoir, quoi. Je dis au revoir, c'est tout. Ventroux referme la porte. Je suis indigné, monsieur. Vraiment, je suis indigné. Ventre ou monsieur Ospel, ne croyez pas un mot de tout ça. C'est une plaisanterie. Le dernier des chameaux, oh. Non. Vous ne supposez pas que j'ai jamais dit... Ospel, mais laissez donc. Je vous ai bien traité de vendu, de pourri, de résidu de la décadence. Ventre ou, je sais bien, je serai en droit, mais enfin tout de même. C'est comme ma femme, n'est-ce pas? Je vous prie de l'excuser. Vraiment, elle s'est présentée d'une façon... Ospel, mais tout à son avantage. Ventre ou... Vous êtes trop galant. N'empêche, croyez bien qu'elle n'a pas l'habitude de traîner dans cette tenue. Mais véritablement, aujourd'hui, il fait si chaud, n'est-ce pas? Elle est presque excusable. Vous avez senti ses mains, n'est-ce pas? Vous avez pu voir. Oui. D'ailleurs, moi-même, tâtez les miennes. Elles sont toutes en moiteur. Hospé dégage vivement sa main. Oh, mais oui, je vous crois. Ventrou, c'est très désagréable. Hospé, très désagréable, en effet. Ventrou, alors naturellement, ma femme, n'est-ce pas, comme elle avait trop chaud, elle a éprouvé le besoin de se mettre en... Comment dirais-je, en... Oh, mon Dieu, il n'y a pas de mot, en chemise. Oh, mais je la comprends fort bien, n'est-ce pas? Ospé, si je pouvais en faire autant... Ventrou, mais faites donc, je vous en prie. Ospé, hein, non, vraiment, tout de même. Oui, évidemment, alors n'est-ce pas comme... Elle n'avait pas entendu sonner, naturellement, elle est entrée. Ospé, mais voyons. Ventrou, elle se croyait seule. Ospé, mais c'est évident. Avec le domestique. Ventrou, mais oui, avec le... Ah oui. Oui, le domestique. Oui, mais alors, le domestique, vous... Le domestique, vous pensez bien. Il y a une raison. Je pense bien, voyons. Ventrou, ce serait un domestique ordinaire, évidemment. Ventrou, mais alors là, ils ont été élevés ensemble. Vous m'en direz tant. Ventrou, c'est son frère de lait. Son frère de lait. Oui, alors n'est-ce pas, un frère de lait. Ça ne compte pas, parbleu. Mais Ventrou dit, mais oui, c'est ce que je dis, ça ne compte pas. Ça ne... Bon, alors voyons, de quoi s'agit-il, hein? Parce que, enfin, tout ça, c'est des balivernes. Qu'est-ce que vous venez me demander pour vous administrer? Eh bien, voilà. C'est à propos de l'Express de Paris, n'est-ce pas, qui s'arrête à Morinville et qui brûle Moussillon-les-Indrets, qui est un centre au moins aussi important. Ventrou, mais comment? Alors voilà, n'est-ce pas, mes bons hommes se sont mis en tête d'obtenir que l'Express s'arrête à notre station. Ah, diable, ça c'est difficile. Ne dites pas ça, on a eu deux fois l'occasion de constater que c'était possible. Ventrou, ah oui? L'Express s'est déjà arrêté? Oui, deux fois. Une fois à la suite d'un déraillement et une autre après un sabotage. Ah, alors... Eh bien, ça n'a pas dérangé grand-chose dans le service. Ventrou, évidemment, c'est un argument. Seulement, n'est-ce pas, ce sont des éventualités qui n'arrivent pas assez régulièrement pour que nos voyageurs puissent se baser là-dessus. Oui, bien sûr. Vous préféreriez un arrêt réglementaire? Écoutez, je veux bien m'en occuper. Vous me rédigerez un petit exposé de tout ça. En attendant, pour ne pas oublier, je vais toujours prendre note. Disons, monsieur Ospel. Ospel qui s'est levé, suit des yeux ce qu'il écrit, c'est ça. Ah non, P. P-A-I-X. Oh, je me demande pardon. P-A-X. Croyez bien que c'est sans intention. Ospel, il n'y a pas de mal, vous savez, je suis habitué. C'est la première orthographe qui vient tout de suite à l'idée. À ce moment, on entend un bruit de voix mêlé de chocs d'objets derrière la porte du vestibule. On entend vaguement cet échange de dialogue et la cantonade entre Clarisse et le domestique Victor. Là, passez-moi la bouillotte. Voilà, madame. Oh, mais tenez-moi, ne me lâchez pas de bêtises, hein. Je tiens, madame, je tiens. Ventrou, qui a prêté l'oreille. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce potin? Croyez qu'on va être tranquille un instant? Il va brusquement tirer la porte qui s'ouvre à deux battants. Mais enfin, qu'est-ce que c'est encore? Il aperçoit perché sur le sommet d'un escabeau sa femme, dont le haut du corps disparaît derrière le dessus de la porte, tandis que Victor, le domestique, la tient à pleine main par la croupe, pousse un cri avec un sursaut en recul qui le porte à droite de la porte. Ah! Clarisse! Ah! Ah, oh, c'est toi! Ventrou, mais qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Clarisse, tu vois, j'arrange la pile. Ventrou, non, mais vous foutez de moi tous les deux. Qu'est-ce que c'est cette façon de tenir madame? C'est pour pas qu'elle tombe. Quoi? Oui. Mais oui, tu comprends, parce que quand on ne me tient pas, j'ai le vertige. Ventrou, mais enfin, vous voyez pas que vous avez, avec vos deux mains, c'est sûr, c'est indécent. Victor, oh. Ventrou, mais voulez-vous lâcher ça, à la fin, voulez-vous lâcher ça? Clarissa, maintenant fais attention, voyons, tu vas me faire tomber. Eh bien, descends, qu'est-ce que tu affiches là-haut? Est-ce que c'est ton affaire? Clarisse, oh, ben, c'est parce qu'il ne sait pas, quoi. Eh bien, qu'il apprenne. Non, non, non, cette tenue. C'est convenable, hein? Non, mais est-ce que c'est convenable? Avec le domestique? Oh, je paie. Oh. Puisque c'est son frère de lait. Ah? Clarisse quoi? Qui? Victor. Qui ça, moi? Ventrou. Oui, vous! Oui, vous, qu'est-ce que ça veut dire, moi? Hein? Allez, allez, allez-vous-en, hein? Non, qu'est-ce qui vous prie de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Victor, oui, monsieur. Ventrou fait claquer la porte sur lui. Je finirai par le ficher à la porte, cet animal-là. Ah, je sais, je vais vous dire, c'est son frère de lait, c'est son frère de lait, ça, bien sûr, mais c'est pas du même père. Ah, je sais, comment pas du même père? Ventrou, hein? Non, non, non, non, je vais vous expliquer, n'est-ce pas, quand je dis pas du même père, j'entends que je... Oh, puis vous m'embêtez avec vos questions, est-ce que ça vous regarde? Oh, je sais, oh, mais Ventrou, mais vous devez bien penser que si je tolère ça, c'est que j'ai de bonnes raisons. Oh, je sais, mais je vous ferai remarquer que je ne vous demande rien. Ventrou, oh, mais je sais ce que c'est, vous ne demandez rien, et puis une fois là-bas, avec le marquis, ta-ta-ta-ta-ta-ta, vous allez éclabonner. Mais non, mais non, mais non, mais quelle idée, Clarisse. Mais je t'assure, mamie, tu devrais te soigner. Ventrou, oh, enfin non, d'un tonnerre, vas-tu t'habiller, toi? Eh bien oui, quoi, donne-moi le temps. Donne-moi le temps, donne-moi le temps, mais voilà une heure que, Clarisse. Ah, oh, bah quoi, maintenant que monsieur Hochepay m'a vu, hein? Enfin, monsieur Hochepay, je suis en chemise, c'est entendu, mais enfin, est-ce que je suis inconvenante? Est-ce que j'en montre plus qu'en robe de bal? Hochepay, mais non, madame. Ah, vous trouvez, vous? Hochepay, c'est-à-dire même que là, en chemise, avec votre chapeau sur la tête, vous avez presque l'air d'être en visite. Clarisse, là, tu entends? Non, mais c'est vrai, ça, hein? Qu'est-ce qu'on voit, je vous le demande? Non, mais qu'est-ce qu'on voit, hein? Oh, je paie. Oh, rien. Là, évidemment, je vous vois en ombre chinoise parce que vous êtes devant la fenêtre. Ventrou bondit sur sa femme, il la tire hors de la fenêtre. Oh! Vous devez venir ici? Clarisse, oh, bah, parce qu'il y a la fenêtre, quoi, c'est tout. Oh, ce que t'es brusque, toi, alors. Oh, je paie, hein? Mais sans ça. Oh, je paie, oh, sans ça, rien. Clarisse, ça se quoi? Là. Ah, je ne suis pas fâchée. Elle se lève d'un bond. Ah! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, Clarisse, oh, je ne sais pas. Oh, j'ai senti comme un coup de poignard. Comme un coup de poignard. Qui m'est monté au cœur. En se disant, elle se retourne et l'on aperçoit une guêpe écrasée sur le côté gauche de sa chemise. À hauteur de la croupe. Ah là! Oh, là, là, là, au cœur. Non, non, c'est ça que t'appelles ton cœur. Tiens, tiens. Il retire la guêpe écrasée et la lui présente par les ailes. Tiens, le voilà, ton coup de poignard. C'est une guêpe qui t'a piqué. Clarisse, qui m'a piqué? Ah, mon Dieu. J'étais piqué par une guêpe. Oh, je fais. Oh, pauvre madame. Ventrou, c'est bien fait, ça t'apprendra à te promener toute nue, Clarisse. Eh ben voilà, voilà, voilà, c'est ta faute. Qu'est-ce que je te l'avais dit, hein? Je t'avais bien dit. On laisse entraîner les tasses, voilà ce qui arrive. Ventrou, eh bien, tant mieux, ça te servira peut-être de leçon. Tant mieux. Il est content. Il est content. Mon Dieu, une guêpe. Pourvu qu'elle ne soit pas charbonneuse. Ventrou, mais non, mais non. Clarisse, oh, Julien. Julien, Julien, je t'en prie, suce-moi, veux-tu? Ventrou, moi, mais non, mais tu ne m'as pas regardé, Clarisse, oh, Julien. Julien, sois bon, Julien. Ventrou, mais fiche-moi la paix, toi, Clarisse. Mais tu l'as bien fait, mademoiselle Dieu m'amour. Ventrou, mais d'abord, c'était à la nuque. Ce n'était pas... C'était une mouche, quoi. C'était pas une guêpe. Clarisse, mais une guêpe, c'est aussi dangereux. Écoute, encore il y a deux jours, dans le journal, tu as vu qu'un monsieur était mort d'une piqûre de guêpe. Ventrou, mais ça n'a aucun rapport. C'est en buvant. Il est mort étouffé. Clarisse, mais je vais peut-être étouffer, moi. Ah, j'étouffe, j'étouffe, j'étouffe. Mais non, c'est une idée. Mais si, si, j'étouffe. Elle se laisse tomber sur le fauteuil. Elle pousse un cri. Ah, oh, je t'en prie, je t'en supplie, Julien, suce-moi. Mais non, tu m'embêtes, Clarisse. Oh, sans cœur, va, sans cœur. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Monsieur Hochepay. Madame, s'il vous plaît, monsieur Hochepay. S'il vous plaît. Hochepay, qui, moi? Ventrou bondissant sur elle. Oh, ça, tu n'es pas folle, tu vas pas demander à monsieur Hochepay maintenant. Clarisse, c'est bien quoi? J'ai mieux ça que de risquer la mort, non? Hochepay, certainement, madame, je suis très honoré, mais vraiment, Clarisse, monsieur Hochepay, au nom de la charité chrétienne. Ventrou, mais tu n'as pas fini, non? Clarisse, s'il vous plaît, monsieur Hochepay, s'il vous plaît. Hochepay, je vous assure, madame, vraiment, mais sans cérémonie. Ventrou, ah, et puis fiche-nous la paix avec tes s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, va faire ça toi-même. Oh, mais est-ce que je peux, moi? Eh ben, va mettre une compresse et ne nous rase pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Clarisson, va-t'en, va-t'en, je ne veux plus te voir. Et si je meurs, que ma mort retombe sur toi. Eh ben, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est entendu. Clarisson, voilà des hommes, tenez, voilà des hommes. Elle sort en appelant Victor, Victor. Elle referme la porte sur elle. Ventroux effondré sur son fauteuil. Ah non, elle est alliée. Ma parole, elle est alliée. Hochepay. Monsieur Ventroux. Ventroux quoi? Hochepay, vous m'excusez, n'est-ce pas, de n'avoir pas cru de voir... Ventroux quoi? Hochepay, mais vraiment, nous ne sommes pas encore assez liés. Ventroux, mais comment? Mais bien sûr! Hochepay, n'est-ce pas, c'est bien ce que j'ai pensé. Ventroux, il n'aurait plus manqué que ça. La voix de Clarisse à la cantonade. Oui, eh bien, je vais un peu le dire, hein, monsieur. Allons, bon, qu'est-ce qu'elle a fabriqué encore? Clarisse surgit, à Victor qui la suit. Vous êtes tous des lâches! Vous êtes tous des assassins! Victor, il ne vaut pas mieux que vous! Ventroux, quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Lui non plus n'a pas voulu! Ventroux, Victor! J'ai pas osé, monsieur. Clarisse, oh, ça m'élance! Oh, je dois avoir une fluxion! Eh ben, si t'as une fluxion, va chez le dentiste, mais c'est pas dans la bouche, alors va chez le médecin! Oui, il y a un docteur dans la maison, au-dessus. Mais non, c'est pas un docteur, c'est un officier de santé, il n'a pas le droit au titre. Ça m'est égal, il a fait de la médecine. Vite, Victor, montez, ramenez-le. Bien, madame. Oh, je vais mettre une compresse. Elle rentre ainsi dans sa chambre. Victor revient sur ses pas. À Ventroux, monsieur ne m'en veut pas, au moins, de ne pas avoir... Ventroux, hein, lui aussi, mais voulez-vous chercher l'officier de santé? Vous êtes plus vite que ça? Oui, monsieur, il sort. Au moment où il va ouvrir la porte pour sortir, on sonne. Victor donne dans Romain de Géval, qui est dans l'embrasure, attendant qu'on ouvre. Romain de Géval. Ah, monsieur. Victor, monsieur. Monsieur Ventroux, s'il vous plaît. Ventroux du salon. C'est ici, vous désirez, monsieur? Entrez, je vous en prie. Oh, pardon. Je suis monsieur Romain de Géval du Figaro. Ah, parfaitement, monsieur. Bien. Très bien. Victor, allez-vous-en. Oui, monsieur, il sort. Ventroux, qu'y a-t-il pour votre service? Voici, je vous suis envoyé par mon journal pour vous demander une interview. Ah, oui, sur la politique en général, comme vos derniers discours vous ont mis très en vue. Oh, monsieur, si, je dis ce que tout le monde pense, et en particulier sur le projet de loi dont vous êtes un des promoteurs, les accouchements ouvriers, l'accouchement gratuit et l'état sage-femme. Ah, c'est intéressant, n'est-ce pas? Qui me tient très à cœur, d'ailleurs. Cheval, mais seulement, n'est-ce pas, je voudrais faire quelque chose de pimpant, de pittoresque, de... De pas tout le monde, n'est-ce pas? Je m'attache à faire des chroniques brillantes, si vous m'avez déjà lu. Mais certainement, monsieur de Géval, Romain de Géval. De Géval, parfaitement. Eh bien, mais je suis à votre disposition, seulement, n'est-ce pas, j'ai une petite affaire à terminer avec monsieur... Monsieur Hochepay. De Géval, Hochepay. Hochepay, oui, P-A-X. Oui, ventre ou mère de Moussillon-les-Indrais. De Géval, oh, parfaitement, je connais, Hochepay. Ah oui, moi? Oui, de Géval, j'y ai souvent pêché à la ligne. Ah oui, à Moussillon-les, oui. Non, je comprenais que c'était, enfin bon. Ventroux, alors si vous voulez m'attendre un instant, n'est-ce pas, nous passons monsieur et moi dans mon cabinet, dans 5 minutes, je suis à vous. De Géval, mais je vous en prie, permettez seulement que je m'installe à cette table, je prendrai quelques notes pendant ce temps-là. Oh, mais vous êtes chez vous, je vous en prie, pardon, merci. Venez, mon cher maire, venez, tout à l'heure, mon cher député. Ils sortent tous les deux à gauche. De Géval reste seul, il s'installe à la table. Il a tiré son calepin, il jette un coup d'œil circulaire de façon à s'imprégner du cadre, inscrit quelques notes. Voix de Clarisse à la cantonade. Oh, il n'est pas encore là! Elle sort de sa chambre sans voir de Géval qui est attablé. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait, cet homme? De Géval, ne pouvant réprimer un petit cri d'étonnement en voyant paraître une femme en chemise. Oh! Clarisse. Ah! Le voilà! Ah, oh, vite, docteur! Comment? Vite, venez voir! Que je viens de voir, mais quoi donc, madame? Où j'ai été piqué? Vous avez été piqué. Oh, tenez, nous allons tirer le rideau pour que vous voyez plus clair. Ah, ben oui, bien, madame, oui. Oh, vous verrez, docteur. Oh, non, mais pardon, madame, je ne suis pas docteur. Oui, je sais, vous n'avez pas le titre, ça n'a aucune espèce d'importance. Tenez, regardez, elle se retrousse. Ah, vous voyez? Ah, oui, oh, ça, madame, oui, ça, je vois. Ah, eh bien, oh, tu es tout à fait pittoresque, pimpant. Quel chapeau de chronique. Ah, oui, comment? Non, vous permettez que je prenne quelques notes? Mais non, voyons. Tenez, touchez, c'est là que je vais toucher, quoi, rendez-vous compte. Ah oui. Et bien sûr, très pittoresque, tout ça, très pittoresque. Mais pas là, monsieur, c'est l'autre côté. Oh, pardon. J'étais piqué par une guêpe. Là, oh, quel aplomb. L'aiguillon doit être sûrement resté. Est-il possible? Mais voyez donc. Ah, que je vois que je... Mais oui, madame, mais oui, mais oui. Il se fixe son monocle dans l'œil et s'accroupit. Vous l'apercevez? Attendez, oui, oui, oui, je le vois, je le vois. Ah, oui, oui, même il dépasse tellement que je crois qu'avec les ongles... Oh, essayez, docteur, essayez. Mais oui, madame, mais oui. À ce moment, sort du cabinet de travail, Hochepet suivi devant tout. Oh, oh, oh, Clarisse, mais dérangez pas, voyons, dérangez pas. De Javal, tenez, madame, le voilà, le matin. Ventre, ça voulez-vous, vous, ben, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais voir ton derrière, un rédacteur du Figaro? Du Figaro, ça, comment ça, du Figaro? Oui, oui, monsieur Romain de Géval, du Figaro, Clarisse de Géval. Vous êtes monsieur de Géval? Vous êtes monsieur... Oh, monsieur, que vous avez fait une chronique amusante hier dans votre journal. Ventre, voilà, voilà, ça n'a, plus ça n'a pas plus d'importance que ça pour elle, oh! À ce moment-là, ses yeux se portent sur la fenêtre, dont le store est grand tiré. Oh, Clémenceau! Où ça, Clémenceau? Clémenceau, là, à la fenêtre! Clarisse, oh, tiens, oui, elle adresse des sourires et des bonjours de la tête au personnage en question. Ventrou, il ricane, je suis foutu, ma carrière politique est dans l'eau. Clarisse, adressant des petits saluts à Clémenceau. Bonjour, monsieur Clémenceau. Mais très bien, monsieur Clémenceau. Et vous de même, monsieur Clémenceau. Ah, tant mieux, au revoir, monsieur Clémenceau. Radiodiffusion Télévision Française vous a présenté une émission publique du Club des Sept, transmise du Théâtre des Noctambules, Lecture à une voix, émission de Michel Poulac et Guy Maxence. Aujourd'hui, Ne te promène donc pas toute nue, pièce de Georges Feydeau, lue par Jacques Charon, sociétaire de la Comédie.